des locataires, proposons tous nos revendications. S'il faut, nous les imposerons, mais aujourd'hui, ne nous laissons plus faire. À la Cloche de Bois, vous parlez des luttes pour l'accès au logement pour toutes et tous. Et en soutien en lieu de vie alternatif et autonome, avec ou sans papier, à Bruxelles et ailleurs. Une fois par mois sur les ondes de Radio Air Libre, Radio Panique et Radio Campus. Ben bonsoir, vous êtes à la Cloche de Bois et on est ici avec salut, coucou, Jean-Jeanneau et Titi à la technique. Oui, et Gwen. Mais il y a aussi la participation de Wendy et Balthazar dans l'émission, mais ils sont pas ici ce soir. Voilà, donc à la Cloche de Bois, c'est une émission qui parle des luttes pour l'accès au logement, pour toutes et tous, et on soutient un lieu de vie alternative et autonome, avec ou sans papier, à Bruxelles et ailleurs, une fois par mois sur les ondes de Radio Libre, Radio Panique et Radio Campus, mais bientôt on va aussi être en direct pour la première fois à Radio Campus, le mardi de 18 mai. Mais on ouvrira le bal démasqué avec les actualités sur le logement et les squats, notamment avec l'histoire du moratoire qui n'a pas été prolongé, et la possible nouvelle vague d'expulsion résistance. Ensuite, la camarade Xor vous parlera d'une action qui a eu lieu le 22 avril pour expulser l'imminent monsieur Rudy Vevoort sur la question du dit moratoire. Puis on vous parlera de la nouvelle occupation avenue Louise et la campagne réquisition solidaire. On poursuivra avec la nouvelle tentative de la ZAD là-bas, le camping de Esch en Refaille, si je peux près de Perbé, voilà, en Wallonie. Et enfin, on se finira avec une petite discussion sur une petite réflexion sur les squats et la liberté, et avec bien entendu autre surprise plutôt musicale. Enfin, pour une rediffusion de cette émission, mais peut-être on va répéter ça à la fin. Voilà. Et c'est parti pour les news. Mesdames et messieurs, bonjour. Madame, monsieur, bonsoir. Madame, monsieur, bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour les petits loups et les petites louves. C'est Jeannot pour cette 8e rubrique info de votre émission Belle et Rebelle préférée. Pour ceux d'entre nous qui fréquentent le parvis de Saint-Gilles, vous aurez remarqué que la commune a placé des panneaux devant les renfoncements situés autour de l'entrée de métro. La commune se défend d'avoir agi pour chasser la population qui occupait cette zone. L'objectif étant de créer un parking pour vélos. La mobilité douce est évidemment importante pour atténuer la folie de tout à la bagnole vroom vroom, mais il y en a toujours un mais, et on le sait, nos amis SDF sont depuis le début de la période Covid encore plus des laissés pour compte. À la Cloche, nous avons décidé de nous pencher sur l'état et l'avenir des centres d'accueil de jour bruxellois. Nous avons constaté que la nouvelle ordonnance bruxelloise et ses arrêtés d'application, oulala, réduisent les centres de jour à des gestionnaires de chaises. Je m'explique. Les centres de jour, avec le mouvement Droit à un toit, ont organisé une action ce vendredi 7 mai à la place de l'Albertine pour dénoncer cette logique de gestion. Lors de cette manifestation, le personnel en lutte a précisé le côté positif de l'ordonnance qui donne enfin un cadre et une reconnaissance au centre de jour. Néanmoins, suite aux réserves et critiques émises par le secteur du sans-abrisme vis-à-vis des textes, le ministre Marron avait promis de revoir l'arrêté afin qu'il corresponde mieux aux réalités de terrain et aux besoins des usagers. Les missions décrites dans les textes ne correspondent pas à ce que les centres de jour sont et devraient être. Et le subventionnement prévu dans la dernière mouture de l'arrêté ne permet même pas d'assurer les missions de base attendues des centres. Certains centres d'accueil de jour savent dès à présent qu'ils n'obtiendront pas d'agrément pour 2022 et resteront dans l'insécurité, comme chez nous, Bayhans. Les textes susmentionnés se focalisent sur la capacité des centres d'accueil. C'est la capacité du lieu qui va déterminer le montant des subsides et non les services proposés. Les centres d'accueil de jour sont avant tout décrits comme des lieux avec des « places », entre guillemets, qui proposent en second plan un accompagnement psychomédico-social et au moins une aide à la vie quotidienne. Or, dans la réalité, les centres d'accueil de jour sont d'abord des lieux offrant des services spécifiques et un accompagnement, avant d'être des toits au-dessus de la tête des usagers, avec des chaises où ceux-ci peuvent s'asseoir. Pour un centre de jour d'une capacité de 50 à 100 places, l'ordonnance prévoit 2 travailleurs à temps plein en contact avec le public. Ces 2 travailleurs doivent se charger de l'accompagnement psychomédico-social de 50 à 100 personnes pendant minimum 5 jours, minimum 5 heures par jour. Vous imaginez ce que ça peut donner. Ils doivent également accompagner les usagers dans leurs démarches administratives, proposer du café, un accès aux toilettes, au téléphone, offrir une aide à la vie quotidienne, gérer des consignes, faire et offrir des repas, proposer des douches, organiser des activités, etc., etc. Vous l'aurez compris, il est impossible de remplir toutes ces tâches avec seulement 2 travailleurs. Pour faire un travail de qualité, il faut des moyens de qualité. Et quand bien même nous nous concentrions à n'être que des gestionnaires de places, comme le supposent en demi-mot les textes, avoir 2 travailleurs pour 50 ou 100 places sera toujours insuffisant. On n'en serait sûrement pas là si les promesses du ministre Marron avaient été tenues. L'arrêté de 2019 ne convenant pas, il avait décidé de le revoir, en concertation avec les services. Les centres n'ont pas été concertés et les revendications n'ont pas été prises en compte. Les centres d'accueil de jour de Bruxelles Capitale demandent à avoir enfin des moyens de qualité pour faire un travail de qualité et ainsi renforcer les centres de jour dans leur travail de lutte contre le sans-abrisme. Pour, qui sait, peut-être un jour en venir à bout. D'autant que des solutions existent. Sachez qu'il ne reste que moins de 5000 sans-abri dans toute la Finlande. On va un petit peu voyager. Car les Finlandais ont mis en place une nouvelle approche du problème en 2018. Ils sont parvenus à réduire le nombre de sans-abri à l'échelle nationale de façon spectaculaire. Le système marche tellement bien qu'il en reste moins de 5000 à travers le pays, comme je vous le disais, comme le rapportait le journal KKED. Bon, c'est du finlandais. Le dernier rapport sur le nombre de sans-abri vient de sortir et les résultats sont impressionnants. En effet, le pays ne compte désormais plus que 4886 personnes sans logement fixe, selon ce rapport. Cela représente seulement 0,88% de la population du pays, un record mondial. C'est d'ailleurs le seul pays de l'Union européenne où le sans-abrisme est en baisse. Cela fait suite à la mise en place de la politique Logement d'abord, qui offre un accès au logement à tous sans condition. Et si l'investissement a quand même coûté la bagatelle de 350 millions d'euros, il est tout à fait rentable, si tant est qu'il faille parler de rentabilité. En effet, grâce à la réduction du nombre de visites aux urgences, l'intervention de la police et des services sociaux, on ne va pas s'en plaindre, le contribuable a même pu économiser 15 000 euros par an en moyenne. Le bonheur. Ce n'est donc pas une question d'argent, mais bien de volonté. Ce n'est pas du tout sorcier, a déclaré Juha Kaikkinen, encore du finlandais, un des premiers architectes de l'initiative en Finlande. Dans la société finlandaise, nous pensons que le logement doit être un droit humain fondamental, que la société doit prendre soin de ses membres. En comparaison, le nombre de personnes sans domicile fixe en France a doublé depuis 2010. Ils sont maintenant près de 300 000 à travers l'Hexagone, dont près de 11 000 qui habitent dans des bidonvilles. La Belgique, on n'en est pas à ces chiffres-là, mais on est quand même largement au-dessus. La Finlande donne donc un exemple à suivre aux autres pays du monde et le gouvernement actuel ne compte pas s'arrêter là. En effet, il s'est engagé à réduire encore de moitié le sans-abrisme d'ici 2023 et à y mettre fin entièrement, vous m'avez bien entendu, d'ici 2027. Il pourrait même être en avance. Bonne nouvelle dans la lutte contre la discrimination au logement. La région bruxelloise lance des tests proactifs. La discrimination au logement est une réalité en région bruxelloise. Tout le monde le sait ou l'a vécu. Mais elle est encore trop souvent relativisée ou remise en cause, selon une étude de la VUB et l'Université de Gand menée en 2017. Les personnes avec des noms d'origine africaine et nord-africaine, près de 23%, d'origine subsaharienne, 21%, celles bénéficiant d'allocations de chômage ou ayant un handicap mental sont victimes de ces discriminations au logement. Avec la crise sanitaire, les discriminations subies par les personnes avec un nom d'origine marocaine ou congolaise ont presque doublé, de 20 à 36%, pointe une autre étude. Si depuis septembre 2019, Bruxelles Logement et ses inspecteurs peuvent réaliser des tests de situation, c'est-à-dire comparer le traitement par le bailleur ou l'agent immobilier et des tests du client mystère, en cas de discrimination, ils peuvent imposer des amendes. mais la réglementation stricte rend ces tests inapplicables sur le terrain. Il faut remplir trois conditions cumulatives. Une plainte, un signalement préalable, des indices sérieux de discrimination et ne pas commettre de provocation. Afin d'améliorer les outils de la lutte contre la discrimination au logement, un avant-projet a été adopté par le gouvernement bruxellois le 29 avril dernier. Il prévoit d'autoriser des tests proactifs. Le cadre est assoupli et seul reste l'interdiction de la provocation. La région bruxelloise est la première à se doter d'un dispositif de test de discrimination au logement en Belgique. Une fois la discrimination établie, nous convoquons le contrevenant. S'il est discriminant, nous transmettons l'information au parquet, détaille Sophie Grégoire, directrice de l'inspection régionale du logement. Le recours au parquet est conditionné par le fait qu'il existe une suspicion d'infraction pénale. S'il n'y a pas de suite donnée par le parquet, on peut infliger une amende administrative de 150 à 6200 euros. Le texte permet aussi à la direction de l'inspection régionale du logement d'engager des acteurs pour réaliser ces testings et de faire appel aux associations de terrain. L'ordonnance prévoit d'étendre la lutte contre la discrimination de l'accès au logement à la fin du bail. La liste des discriminations est également élargie à d'autres critères de protection contre les familles nombreuses et monoparentales, la coparentalité, l'adoption, la paternité et le statut de séjour. Une discrimination fondée sur la procréation médicalement assistée, l'allaitement, les caractéristiques sexuelles et l'identité ou l'expression de genre est assimilée à une discrimination fondée sur le sexe. Enfin, il ne sera plus permis aux bailleurs de faire remplir des fiches d'information extrêmement intrusives avant même une simple visite. On annonce un recrutement de 3 agents exclusivement affectés au traitement des plaintes pour discrimination au logement. 2 recrutements ont déjà eu lieu, le troisième est en cours. L'avant-projet a été soumis pour avis à UNIA, l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, et au Conseil consultatif du logement. Il devra encore passer au Conseil d'État avant d'être définitivement approuvé par le gouvernement et déposé au Parlement cette année encore. La région lance dès vendredi une campagne de communication. La discrimination au logement n'est pas une fatalité, elle est illégale et nous donnons aujourd'hui les moyens de la poursuivre et de la sanctionner. Par rapport à tout ce que je viens de vous dire, on fait quand même pas mal appel à l'État et à un modèle répressif. Moi, mon petit Jeannot, je vous dis que par rapport à ça, il existe quand même une alternative. C'est quand même la solidarité. N'oubliez jamais qu'on n'est jamais aussi fort que quand on est unis. Ding dong, pour terminer, une petite minute de publicité pour un sujet bien sympathique. La permanence occupation se lance dans un projet de collecte d'archives des lieux occupés historiquement et actuellement à Bruxelles. Ils auraient envie, grâce à ces archives, de raconter les histoires de ces lieux et donner à voir une autre manière de vivre et de faire la ville. L'idée serait de pouvoir partager ces récits sous la forme d'une gazette. Ils sont intéressés de récolter toutes sortes d'archives, photos, vidéos, enregistrements audio, flyers, prospectus, chartes, manifestes, PV de réunion, conventions, plans, dessins, etc. Si vous avez ou si vous connaissez quelqu'un qui a ce type d'archives, vous pouvez les envoyer sur l'adresse email de la permanence. L'adresse email est la suivante, permanence.occupation@protonmail.com. permanence.occupation@protonmail.com. Si ça vous dit de leur rendre visite, boire un petit café et de raconter un tas d'histoires sur vos expériences dans les lieux occupés, ils sont présents tous les mercredis matins ou à d'autres moments, sous rendez-vous, à l'adresse suivante, au 111 rue Pierre de Coster, non, pas au 111, au 110, pardon, 110 rue Pierre de Coster, à Forêt. 110 rue Pierre de Coster, à Forêt. Et puis n'hésitez pas à partager vos idées ou à vous joindre à ce projet. Avant de terminer, je voudrais vous rappeler que je suis tout à fait disponible et que ça me ferait bien plaisir de pouvoir relayer des infos que vous pourriez m'envoyer à notre adresse email à lacloche-de-bois@riseup.net, à lacloche-de-bois@riseup.net, et je me ferai un plaisir au mois de juin de vous faire part de tout ce que vous m'aurez envoyé et si vous avez des annonces, des choses à dire et de nous dire qu'on est beau, grand, fort et merveilleux, eh bien n'hésitez pas, allez-y. Et je vous propose une respiration musicale avec Tribad Afilando la Tijeras, un groupe LGBT radical féministe de Barcelone avec des paroles plutôt assez corsées pour les garçons. Me, you know me. Llora, llora, llora. Agüita. non ho cojones jugando al parchis, cachis. Yo chile me vendo mucha colichis. Perturban el sueño en tu cabeza, Michel Crachis. Ya medio quiso cada ruido suena. Más de una década real como Raki me espera. Cuestioname referente, maname ya mis traperas. Hoy hace buena noche pa' la caza de sofiras. Organizando el comando, afilando las tijeras. Corre campana, no temo a enemigos. Mira, son machinos, viene por chis. Dobla la esquina, guarda mis hermanas. Ya estamos ready, lo van a sentir. Esa es onda de la police. Pero esta vez no son ellos los que vienen a por ti. Esos aires de pimpines no nos representan. Sistemas de amor son violencia y nos representan. Cuando todo lo rima con puta nos representa. Esta vaina pica si es tu puesto lo que tiembla. Destrona al ídolo, low, ellos se fue, voló, lo descontrolo. Haters gonna hate, pero no vienen solo. Quieren opinar, jugar, ver de dónde se puede sacar. Y se quedan rabiando al fondo de la sala. Nuestro polo, microphone check, microphone check. Tú quieres vicio, traigo skill pa' todo se feca. Antalla woman y luego tan guapo en cada tomo. Se ha acabado la farsa, raperita y plata o plomo. Plata o plomo. No me vendes ni un calendario, tengo el máster en bastardo. Sombra la montando el pollo, haciendo gorgoreo con el cuello. La reina del mambo cantando el himno. Comerme el coño, esperando la declaración de privilegio. No soy yo la que te tocó, ni eres tú el que vive acoso. Si el río suena es por algo, ay. Morbo, caja, salsa. ¿Y la prueba? Bomba, tállala. El beco no pela. Morbo, caja, salsa. Si tú pagas, bomba, tállala. A un pibe que agreda. Te robé la ganzúa, que te calle ya. Hip hop te destierra tú y tu sociedad. Fuck, fuck, fuck, niñatos de mierda. Se acabó la moda rancia facha. Esta narca te desmarca. Tu supremacía blanca no trabaja ni género ni raza. Le clavo la espada con la llamada en la ceniza. Encuentra el chakra. Yola, puta que manchó el hip hop. La zorra que denunció el ano masculino por fin liberado. Venga, juega de nuevo. Soy Judith, por Fenes y en mis pinturas estás muerto. We got it, llamando bitches, classic como Lil Mary, we got them. PNP made in Spain, se cree 50 Cent, pero diles a esos rappers que no tienen nada que hacer. A la mierda fuera machis del hip hop, resistan, sois hegemonía machista. Defienden la estructura social capitalista, 12 razones pa' moriros. 2-6 kila. Somos bashbacks en el rap, en el beat, black block, one shot, fuck them all. Armas de mujer no, mujer armada, píllalo. El rapero unión y ya no, yippie yippie ya, los tenemos a todos acojonados. A mí me la suda los kilos que vendas, yo lo cocino, remuevo conciencias. Porque quien lo hace no lo cuenta. Dejar de ir de gypsies, de pobres, de kinkies. Hambre y cobre fardando de Lamborghini. Un amor pa' todas esas putas de las que tanto habláis. Que os saquen toda la pasta esa de la que fardáis. Si me mandas a fregar tienes que pagar y es lo que hay. Ni una más correrán como yankees en Vietnam. Como Aria Metro te someto, cata mis Kalashnikov. Requiem por ti, llóralo, machi, llóralo, llóralo. Machi, llóralo, machi, llóralo, llóralo. Machi, llóralo, llóralo. Muere, muere, muere si la tocas mientras duerme. Pipe Díaz, vendetta para siempre. Muere, muere, muere, si encima dices que miente. Sangre por sangre, diente por diente. Es la reina de la pene. Poder, poder, poder. Hey, hey, hey. Es la reina de la pene. La que representa siempre el poder. Ben voilà, et pour, c'est pas vraiment plus dans l'actu, mais dans la journée de Housing Action Day qui a eu lieu de dimanche 28 mars, on a encore un entretien, une vision d'une enfant de 4 ans qui parle de son impression de ce jour-là, mais c'est en néerlandais, mais après ça sera traduit en français par la maman. Waar heb je gisteren gezien op de betoging? Toen waren mensen met zijn fiets en toen had hij de deur gekraakt en toen waren die binnen en toen had hij overal lucht gegooid. Overal lucht? Ja. Ja, zo'n speciale gekleurde lucht. Ja. Ja. En wat vond je daarvan, van dat kraakpand? Goed, en dat was echt niet leuk, maar dat was... Al soms eigenlijk in onze straat, maar dat was eigenlijk in het andere feest. En wat vond je van die betoging? van de betoging was echt leuk. En dat was moedig naar de dingen gaan. En wat vond je het leukste? De betoging met de fiets of de betoging met het muziekje? Muziek, la coco, la mola, hallo, la, la. Heb je veel gedanst? La moco, la mola, la seke, moti. En je hebt daar ook een vriendje leren kennen? Boris. Oké, bedankt. Oké, bedankt. Wil je nog iets zeggen? Ja, ik kan een kakaboedet. Et ça, c'était une petite interview avec ma fille de 4 ans qui a vécu un week-end de squat de malade avec une ouverture malheureusement qui s'est pas super bien passée le vendredi soir dans le parc à côté de chez nous et où elle a été très fort impressionnée par la présence policière. Et puis 2 jours après, avec la manif en vélo et puis une ouverture de squat à la fin de la manif. Et avec les lumières, les fumigènes, les lumières, etc. Et puis le rassemblement où elle a beaucoup dansé. Et on va s'écouter tout de suite Ocupa y Resiste du hip-hop mexicain sur la thématique des occupations et des squats. Resiste, privatizar aquí no existe. Y en la zona que tú viviste, cuéntame aquello que tuviste. ¿Qué pasa? Esa fuerza, sácala. Vamos todos a luchar, símbolo de unidad. Es Cuba, México en las crudas. Fuerza en el que ocupa, todo eso que se escucha. Seguimos en la lucha, mira, los puños para arriba, la frente en alto. Enfrentando al sistema, combatiendo al Estado. Buscando bien común para todos los hermanos y todas las hermanas, ahí estamos. Cuba resiste, con uña y con diente. Resiste, mi gente, y para los pueblos con punta y pistola. No le des dinero, dale candela. Cruda con los canales del Estado crítico, representando unidad entre Cuba. calle pa' la calle. De perro pa' que ladre, filosos como sable, hablé. Quien tengo motivo, un contenido, con sentido. Quien ha vivido lo que escribe y vive lo que es la realidad. En donde el gran papá, la rebo no acabará. Desde Cuba para acá, guerreros o secas con los shum. Seca tu collar, que eso ya va a reventar, pua, pua. Mira cómo te lo digo con este sonido en la calle. He aprendido todo lo que vivo y sigo. No paro, me dicen que soy el rapero que viste marrón, que hablo con descaro. Pero yo no paro con nada, comparo vivir en la calle, morir por la calle. Yo, estado crítico, las pilas en MCs, represento mi hip hop. Occupy Resistir, groupe hip-hop de Mexico. Et on continue avec notre envoyé spécial XOR, la shérif anti-héroïne des squats, qui va nous parler de l'action du front anti-expulsion par rapport au moratoire sur les expulsions qui n'a pas été prolongé. Vous êtes toujours sur Radio Air Libre, Radio Campus et Radio Panique. Bon, eh bien, ça ne répond pas. Donc, nous allons laisser le pli à Monsieur Rudy Ferbon. Et donc, dans ce pli, il y a une signification, commandement de déguerpir, qui est le résultat d'une décision de justice, dans lequel nous allons signifier à Monsieur Ferfort, au domicile duquel je me suis présentée à l'instant, hein, de l'expédition délivrée en forme exécutoire d'un jugement rendu contradictoirement entre parties par le juge de paix en date du 20 avril 2021. Cette signification dit qu'il est fait commandement au nom du roi, de la loi et de la justice à la partie signifiée, c'est-à-dire M. Ferfort, d'immédiatement déguerpir et mettre à la libre et entière disposition les lieux, à peine de s'en voir expulser les siens et tous ceux qui pourraient s'y trouver, de son chef et ses meubles et effets mobiliers, d'être mis sur la voie publique par des ouvriers à ce requis, au besoin, avec l'assistance de la force publique. Ceci sera fait passé le délai du 25 avril qui signe la fin du moratoire contre les expulsions domiciliaires. Et si, à cette date, eh bien, monsieur n'a pas quitté les lieux, il sera expulsé. Voilà. Bon, cela dit, si le gouvernement décide de prolonger le moratoire pendant une durée significative et que des mesures sont prises pour maintenir les gens dans leur logement et pour s'assurer que les plus de 5000 autres ménages qui sont menacés d'expulsion ont accès à un logement digne, salubre et accessible, abordable, eh bien, peut-être que M. Ferfort évitera de terminer, comme toutes ces personnes, à la rue. Voilà, nous allons remettre cette signification avec aussi un petit peu de documentation sur l'état du logement à Bruxelles. Donc, salut Camille, est-ce que tu peux nous expliquer l'action que vous avez menée aujourd'hui du front anti-expulsion ? Donc, le moratoire va normalement se terminer le 24 avril. Et ça, c'était la dernière prolongation du moratoire qu'il y a eu, qu'on a été au courant juste le jour d'après, quoi. Et chaque fois, les délais sont de plus en plus courts. Et ben là, du coup, on a été symboliquement expulsé Rudy Vervoort, qui est le ministre-président de la région bruxelloise, avec un huissier, deux policiers, un déménageur. Et on a été lui signifier un avis d'expulsion en lui disant que s'il n'y avait pas de prolongation du moratoire, eh ben, on viendrait l'expulser la semaine prochaine, quoi. Et donc c'est lui qui est responsable de pouvoir prolonger le moratoire. C'est pour ça qu'on avait envie d'essayer de lui mettre un peu la pression. Malheureusement, on ne l'a pas trouvé chez lui. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu le point sur justement la fin du moratoire et du coup le risque pour un certain nombre de familles de se retrouver à la rue ? Ben, ça signifie que, en fait, il y a plusieurs rendus de jugement qui ont déjà eu lieu, dont on est au courant pour certaines personnes et pour... et entre autres pour certains squats. Et s'il n'y a pas de prolongation du moratoire, bah du coup, tous ces avis d'expulsion vont devenir effectifs à partir de la semaine prochaine. Bon, ils font le temps que les huissiers s'organisent un petit peu avec la police et tout ça, mais du coup, bah, voilà, il va y avoir plusieurs expulsions à la chaîne, quoi. Et en fait, en général, chaque année, il y a une moyenne de 5000 familles qui sont menacées d'expulsion. Il y a 600 expulsions effectives, mais il y a quand même 5000 familles qui sont menacées d'expulsion. Et avec la crise du coronavirus et le fait qu'il y ait pas mal de gens qui aient perdu une partie de leurs revenus ou la totalité, ce truc-là s'est accentué encore plus, quoi. Et par rapport à l'action aujourd'hui, du coup, c'était une tentative en même temps un peu ludique et excitante et en même temps de lui mettre un peu la pression. Du coup, Rudy Vervoort, qui est le ministre-président de la région bruxelloise et qui a un certain pouvoir par rapport à ça, au fait de pouvoir prolonger le moratoire. Et pour moi, c'est une invitation à imaginer plein de formes d'action pour essayer de reprendre un rapport de force par rapport aux décideurs. Mais ça peut aussi être au patron, etc., enfin aux multipropriétaires et tout. Et voilà, si ce message-là peut passer à la cloche de bois, qui ne passera pas dans un média classique, c'est de dire soyons inventifs pour essayer de développer un rapport de force face à des situations comme ça. Agua Bendida, Ocupa. Et on continue avec un peu des actualités, parce qu'il y a eu aussi donc, le 28 mars, la journée de Housing Action Day, où il y a aussi eu la suite de la campagne Réquisition solidaire, que ce jour-là, il y a eu une nouvelle occupation qui était faite avenue Louise, où il y a plusieurs collectifs qui sont installés. Le 28 avril, il y a eu un appel, donc un mois plus tard, il y a eu un appel un peu en urgence parce qu'apparemment, il y avait déjà une menace d'expulsion de cette occupation qui est à Forêt, rue de Fac, et avenue Louise, dans le coin. C'est un énorme bâtiment d'une famille propriétaire, famille super riche. Voilà, et donc cette idée d'action, c'était d'aller voir le proprio en question devant sa maison, qui était un peu plus loin dans Axel. Et voilà, tout d'un coup, les flics étaient par mon courant, donc il n'y avait plus moyen de faire cette action. Mais il y a eu une réunion, il y a eu un appel à la réunion pour voir la suite tous ensemble. Et j'étais présent à la réunion et là, j'ai interviewé Moudou, qui est porte-parole de VSP, qui nous explique un peu le déroulement du début de l'occupation jusqu'à l'action. Après cet enregistrement, on va appeler Henriette, une autre porte-parole de cette occupation, qui va nous donner des dernières nouvelles, parce qu'il y a plein de choses qui sont passées entre-temps, et encore d'autres nouvelles. Donc voilà, donc on va écouter maintenant cet enregistrement. Salut Moudou. Salut. Vous êtes ici maintenant depuis un mois, je pense. Ouais, depuis un mois. Parce que vous avez ouvert cette occupation pendant la journée pour la lutte de droit au logement. Exact, ouais. Oui. Et donc, est-ce que tu peux nous répéter alors, mais un peu comment a déroulé un peu les choses et pourquoi aujourd'hui, tout d'un coup, il y a de nouveau cette action que vous avez à l'appel? Ok, parce que, en fait, ce bâtiment a été ouvert le 25 passé. C'était via la campagne de réquisition solidaire. Donc, il y avait pas mal de personnes qui étaient en demande. Et en plus, il y a eu deux occupations qui allaient recevoir l'ordonnance d'expulsion. Donc, on était en train de chercher un endroit et ce bâtiment a été ouvert pour ces occupations depuis le 25. Donc là, depuis, on est en train de l'aménager. Et là, on a reçu environ presque 80 personnes qui y vivent pour le moment. Depuis le début, on a essayé de contacter les propriétaires parce que c'est un bâtiment qui appartient à une des riches familles de la Belgique. Et par la suite, on a eu un contact indirect et on avait une promesse de proposition de convention. Et ça a traîné depuis quelques semaines. Et à notre grande surprise, la semaine passée, on nous a expliqué comme quoi que la convention risque de ne pas aboutir, la proposition de convention risque de ne pas aboutir parce qu'il y a une des actionnaires qui ne voulait pas signer une convention. Donc il y a plusieurs actionnaires ici dans ce bâtiment ou comment ça oui. se passe ici? Apparemment, il y a trois copropriétaires. Donc, il y a cette famille Skolbush qui a 98% des parts. Il y a deux sociétés et chacune a aussi 1%. Et d'après ce qu'on a compris, c'est une des sociétés qui refuse de signer la convention, soi-disant que la manière dont nous nous sommes introduits dans le bâtiment, c'est illégal. Et en plus, c'est comme si on les avait mis devant les faits accomplis et c'est ça qu'ils n'arrivent pas à concevoir. Donc, de ce fait qu'il y a eu une réunion la semaine passée entre les négociateurs et propriétaires, mais nous, on n'était pas invités, parce qu'on a, soi-disant, un interlocuteur qui nous donnait les infos. Et apparemment, à la fin de la réunion, donc, cet actionnaire s'est distingué clairement qu'il ne voulait pas signer. Donc, nous, on a eu un contact avec le représentant qui est venu sur place la semaine passée, le samedi passé. Et il nous a dit clairement que ils ont une ordonnance d'expulsion et ils voudraient bien que les choses aillent bien, qu'il n'y ait pas de débordement et autres. Après, via la fondation qui représente la famille, On nous avait expliqué qu'il y aurait encore une réunion aujourd'hui pour prendre la décision finale. À notre grande surprise, la fondation qui jouait le lien entre les actionnaires et nous n'a pas été invitée à cette réunion. Et on avait envoyé un mail soi-disant que okay, si on n'a pas de réponse jusqu'à 17h, on irait voir la comtesse pour au moins discuter avec elle et l'expliquer la situation. Mais sauf que malheureusement, ça a été pris par un représentant d'une des actionnaires comme une menace. Et il y a eu la police qui a fait une descente dans la rue où habite la comtesse et tout a été bloqué. Et il y avait aussi la police qui était là devant, pensant qu'on allait sortir pour aller faire une action. Cause pour laquelle, bon, on s'était dit qu'on n'allait plus partir et qu'on a fait une assemblée générale ici. Expliquer un peu la situation et voir les jours à venir, qu'est-ce qu'on pourra faire. Oui, donc c'est assez rapide, parce que vous êtes ici qu'à un mois. Oui, c'est assez rapide. Et donc tout avait l'air d'être allé, qu'il y avait peut-être une promesse de convention. Donc... Oui, en fait, bon, c'est ça quand même qui était la surprise, parce qu'on ne pouvait pas s'attendre au contraire. Parce qu'on était en bon terme, je peux dire, avec cette fondation qui représentait cette famille, qui a 98% des parts. Donc, il disait clairement qu'on allait avoir cette proposition. Donc, on ne pouvait pas s'attendre à la dernière minute qu'un propriétaire qui a juste 1% dire non et tout tombe à l'eau, quoi. Là, le gars, on l'a eu perso au téléphone, il était énervé. Mais là, il nous dit qu'il voudrait bien m'appeler demain pour qu'on puisse discuter. Donc, ce qu'on voudrait, c'est juste l'inviter dans le bâtiment, s'asseoir avec lui et l'expliquer la situation. Et voir éventuellement si on peut tirer une conclusion positive, au moins conclure sur une proposition de convention, comme ça a été dit depuis le début. Parce que depuis qu'on est là, quand même, on s'est aménagé à installer, nettoyer. Parce qu'au début, il n'y avait pas de douche, on a installé des douches dans tous les étages. Et donc, il y a de l'électricité, il y a l'eau et le bâtiment est propre. Donc, il n'y a pas besoin de faire des travaux ni rien. Donc, en plus, ils ont. En attente d'un permis d'urbanisme qu'ils n'ont pas encore obtenu, on ne voit pas exactement pour quel motif d'autre qu'ils pourraient freiner en fait cette proposition de convention. Et aussi cet ordre d'expulsion, vous n'êtes pas encore sûr que c'est vrai que... Non, il l'a juste dit. Donc ça aussi, on pourrait bien le vérifier avec lui s'il accepte de passer éventuellement ici demain pour voir. Parce qu'il y a... Cette ordonnance d'expulsion, ça va être un peu compliqué, mais si ça n'existe pas, donc il y a moyen quand même de négocier. Mm-hmm. Donc pour nous, c'est juste une question de volonté, parce qu'on a eu affaire à d'autres propriétaires qui avaient des ordonnances d'expulsion, et malgré ça, on a parvenu à trouver des consensus et loger après avec une convention. Oui, parce que vous avez malheureusement déjà beaucoup eu de l'expérience. Vous êtes des experts de négociation. Oui, c'est clair. On a eu quand même pas mal de cas où souvent il n'y a pas d'ordonnance d'expulsion. Il y a d'autres cas où on l'avait déjà et on négocie. Et bon, on essaie de mettre quand même toutes les conditions possibles pour assurer aussi les propriétaires aussi. Et ce qu'on fait et ce qu'on essaie de continuer à faire aussi. Mm-hmm. Parce que l'idée, ce n'est pas juste prendre un bien d'autrui et abuser de ça, non. C'est prendre un lieu, refaire une vie dans ce lieu. Et aussi, trouver aussi un toit pour des personnes qui sont vraiment dans le besoin, c'est soit occuper un bâtiment ou bien se retrouver dans la rue. Oui, parce que 80 personnes, c'est... et encore beaucoup plus de place. Oui, 80 personnes et en plus, je peux dire la moitié ou bien même les trois quarts, c'est des familles. Donc, il y a vraiment besoin de trouver quand même une solution. Et c'est pour ça même qu'on l'a invité pour qu'ils puissent visiter, rencontrer les occupants. Voilà exactement qui sont dans ce bâtiment et quels sont... C'est le fait même qu'il pose même ses propres questions pour voir pourquoi ces personnes sont là, pourquoi on a pris ce bien de la manière dont il le dit et ne pas demander une autorisation. Parce que malheureusement, c'est bien que souvent, tu demandes une autorisation d'occuper un lieu, ça ne passe pas. Mm-hmm. Donc pour nous, c'était la seule solution. Voilà, il n'y avait pas de choix d'autre. Ok, donc et comment les gens peuvent avoir les infos pour vous suivre, pour vous venir soutenir au moment que c'est besoin? Là, on est en train d'écrire un communiqué de presse qui va être partagé dans les réseaux. Et en même temps aussi, on a prévu de faire une assemblée générale dimanche à partir de 18h. en pensant que d'ici dimanche, on aura d'autres informations à partager avec les soutiens, les militants, les amis. Ok, bien, merci. Et courage. Merci. Et donc, vous êtes toujours à la Cloche de Bois et on va s'écouter un super morceau historique de hip-hop américain, Superstar on RSTNO, All Show, qui est en hommage à un acteur black américain et où ça a réuni pas mal de chanteurs, dont KRS-One, Naughty B, Nautur et encore plein d'autres que vous allez découvrir dans cette impro rap. Everybody want a host, but everybody's not a hostess. The hostess with the mostest, so silly of the bonus. The biggest, the baddest, the meanest, the toughest. So buskest, we roast it, so just for you. So in the meantime, in between time, baby, you work your thing and I work mine. The Y-O-Y-O is oh so fly. Just another reason why this beat is so tight. I'm a mastermind of all rhymes, a mastermind of all time with these gangsta lines. The A to the R-S-E-N-I-O, here we be. Sure. The man with the plan at a half past 11. Hip props to hip hop 24/7. And I'ma miss him, seeing him get miss him. Walk neck from Cleveland, Ohio, we skiss him. Work taking for granted, smooth with his movements. And they bust the move, yo, he's on the invincible. When I say Arsenio, you say Hall. Arsenio Hall, Arsenio Hall. Accident consultant that makes us eternal like a bridge. Your vision, I'm bitching, raise a rent to riches. You to make a myth, in fact, until I take the bills. I make the sins, you get attracted. You're the rapping with the highest capital. Double L, lowercase t, O, W, win. Don't call all my shit, bubble, then leave you for roommates. Yo, check, some can't see me. If it wasn't for Arsenio, it wouldn't be no late night TV. Question, why is your dad SCB rocking major labels on the sound of that crap? And you'll see that word to life, I'm coming wrong. Cause once you add the hip to the hot kick, it equals out to the I'll be hating sucking MCs and you're sucking niggas. Posing like your heart when we know your damn heart. What you figure? Rhyme wise, I do the thing you hate so precisely. Musically, I'll be the urge to sit back and light me. With my man named Chip and the fool Snake. Ooh, what you gonna do when you see the fool snakes come through? Ooh, what you gonna do when you see the fool snakes come through? Shoot, come in this room, Timbuktu, Timbuktu. My man, see us move. What? Hit the lights and now you appear beyond the stratosphere. Impeccable function, and if you're pretty, let your lady sleep in Carmel City. Beginning in the day, you're in and hunt from beach front to lip blunts. The old degree was sipping OJ with the dumb pee. To bring it like it counts to be lucified. See, you're sexified and women spell me nationwide. You say you want my lips wear and I can grab your what? I love your hips like breast faces with a firm butt. No doubt, I'm cruising on a Arsenio Hall. Yes, yes, y'all, it is your style. Gang stars in the house to get a rap. And one love to Arsenio, now check it. Original wall hit, Brooklyn, I grew boy instructor. I came back to lay down law to the suckers. I crush ya, you don't appear to be my brother. One more false move, I grab the toast and bust ya. Yeah, yeah. You, stop talking trash, pass the hell. Got mad clientele, real brothers know me well. Other rappers go on tour and hide in their hotel. Me and the crew, we're as true as they come, son. Yeah, but yeah. One, two, with the books coming with the crazy. Throwing up the spot before my man gets swayed. Yeah, we said it from the east, Joe said it from the east. 5 years on the set, now it's time to say freeze. Yeah, I flips in, I rips in, I check out how I do it. Only hip-hop show representing hip-hop. They got me on the track, black and sweeter than candy. I rip it like this with my man and Sandy. Years like that, y'all, years like that. Check it out, how we do it, yo, we know it's like that. Yeah. Astronauts, give a kiss in your best kid. Come on, damn, you're the next contestant. cypher. What a rhyme, that was hyper. Two, five, Wu-Tang sniper. Yeah, 1-2, check it out. 1-2, check it, 1-2, check. So, I'm throwing for the top of the head, head, head. I stop my fingers, hit that ninja. Your career is over, fuck the fuck. Check David Letterman. So we coming in a place right now. Yo, Mad Lion, show him how. Our senior, there's no need to worry. As long as you play tonight, you're living and lose your life. So you don't have to worry at all. We shine our clocks every night. He's not to the satisfied. Big respect in every aspect. When it was a move. Big, big, big respect. Big respect. On va continuer le sujet sur l'occupation de l'avenue Louise. Et on a au téléphone Henriette. Henriette, est-ce que tu peux nous expliquer tout ce qui se passe maintenant à l'occupation, la dernière nouvelle, et aussi te présenter qui tu es ? Oui, bien sûr. Bonsoir, Gwen, bonsoir. Je m'appelle Henriette, je suis la porte-parole de VSP Family, un des groupes du collectif La Voix des Sans-Papiers, et qui occupe actuellement le bâtiment situé sur la rue Louise. Le bâtiment abrite actuellement trois groupes, dont deux faisant partie de la Voix des Sans-Papiers, et un autre groupe composé de personnes avec et sans papiers. Ce qu'il y a actuellement, c'est qu'il y a toujours cette menace d'expulsion qui nous pèse dessus. Et aux dernières nouvelles, l'avocate de la partie adverse n'aurait pas été contente de la petite action que nous avons menée devant le domicile de sa cliente. Et ce qui est actuellement, c'est qu'il y a du coup la possibilité de relancer les négociations à condition de faire marche arrière par rapport à la démarche de recours que nous avons introduite pour contrer la demande d'expulsion introduite par les propriétaires. Et aussi de ne plus se présenter au domicile de la propriétaire du bâtiment et d'arrêter toute forme qualifiée de harcèlement, et qui en réalité ne sont que des mails d'invitation que nous évertions à envoyer à la propriétaire par rapport à l'occupation. Oui, parce que si j'ai bien compris, pour vous, c'était juste, il y avait un peu... il n'y avait pas moyen de dialoguer avec eux, ils ne donnaient pas vraiment les moyens, donc vous avez cherché d'autres moyens pour ouvrir un peu la négociation. Et donc maintenant, c'est plutôt quand même un peu positif, si j'entends bien. Donc ils sont peut-être prêts à renoncer la menace d'expulsion, c'est ça ? Oui, c'est sûr que bon, cette action, comme tu viens de le dire, cette action devant le domicile de la propriétaire, c'était une façon de relancer la discussion, vu que toutes les portes étaient quand même fermées, sachant qu'au départ il y a eu, nous avions quand même un dialogue qui était établi. Et je peux dire que cette petite action a porté ses fruits du fait du contact que nous avons eu avec l'avocate des propriétaires. qui est donc ouverte à nouveau en fait à négocier, seulement sous quelques conditions. Maintenant, c'est vrai que on a déjà eu le coup au départ, vu que les négociations du départ avec la promesse de convention de bail précaire qui nous était faite émanait aussi en fait d'une série de conditions à respecter. Et voilà, maintenant ce que l'on craint du coup c'est de devoir respecter ces injonctions là et de devoir tomber dans un piège où on donne quelque chose à la partie adverse et on se retrouve du coup sans les mains vides quoi. Sans aucune promesse, sans aucune proposition concrète en fait venant de l'autre côté. Oui, donc finalement il n'y a pas vraiment pas un avant. Oui, mais on le prend quand même. Et bon, c'est sûr que nous avons quand même tenu une petite assemblée en fait. À la suite de cet appel pour du coup se concerter sur cette nouvelle là et bon on peut au moins dire qu'on ne se lancera pas les mains vides dans ces nouvelles négociations si elles ont lieu et que l'on peut toujours soumettre aussi de notre côté des conditions qui puissent du coup aboutir à un terrain d'entente entre les deux parties. Oui. Mais entre-temps, la vie continue dans l'occupation, je suppose. Et tout à fait. Ce qui est, c'est que, voilà, au-delà du fait d'occuper un bâtiment pour y vivre, bah, il y a l'idée derrière cette occupation, c'est qu'elle serve de vitrine à nos revendications qui sont dans le cadre de VSP politique et sociale. Et donc, voilà, pour mettre en avant les problématiques du coup du mal logement, du sans-abri, mais aussi de la régularisation des personnes sans papier. Et au-delà de ça, il faut bien que la vie se fasse dans cette occupation. Et la vie se fait aussi au travers de la mise à disposition, que ce soit de l'occupation, mais aussi du monde extérieur, des compétences, des savoirs et des talents des différents occupants dans ce bâtiment. Et donc, ce qui est, c'est que nous travaillons du coup à la mise en place d'ateliers, dont notamment un atelier de couture avec qui serait tenu par un des occupants qui est particulièrement doué en fait en couture. Et voilà, en fait, on essaie de continuer à vivre et de faire vivre le bâtiment au travers des compétences de chacun, au travers des talents en fait dont regorge chacun dans cette occupation. Et ça se passe un peu entre vous ou est-ce qu'il y a aussi moyen de participer à cet atelier pour des gens à l'extérieur? En fait, l'idée, c'est de faire vivre l'occupation en interne, mais aussi, pourquoi pas, de l'ouvrir sur le monde extérieur. C'est sûr que, bon, actuellement, avec la crise sanitaire qui nous impose toute une série de restrictions, on ne peut pas forcément, je dirais, ouvrir la maison comme on le souhaiterait, mais on espère pouvoir l'ouvrir quand même à petite échelle. Et on souhaite le faire du coup au travers d'une journée porte ouverte que nous organisons et à laquelle toute personne souhaitant visiter l'occupation, souhaitant mettre un visage en fait derrière les personnes habitant ce bâtiment et congés. Et cette journée porte ouverte aura lieu du coup le 29 mai, le samedi 29 mai, et ce serait du coup de 14 à 18h. Ok, voilà. D'accord. Donc, et pour toutes les autres nouvelles, vous avez aussi un blog, une page Facebook, c'est ça? Oui, nous avons une page Facebook qui est la voix des sans-papiers Bruxelles. Et Disons que le groupe que je représente a également une page Facebook qui est du coup VSP Family 2. Bon, ça s'intitule Berkem Saint-Agathe, mais ça doit encore ça doit du coup être actualisé. Mais voilà, du coup, c'est voilà les coordonnées. Ok, d'accord. Ouais. Ben, merci pour les nouvelles et ben, bientôt pour la visite à l'occupation. Ouais, je t'en prie. Et au plaisir de se retrouver à l'occupation. Ok, d'accord. Et de toute façon, bienvenue à la radio encore prochainement. Ben, merci. Merci, Gwen. Oui. Okay. Bonne soirée. Et on s'écoute Autonomade. Un groupe du nord de l'Angleterre avec le morceau Best of Both. Nomades et on s'écoute un petit reportage sur la nouvelle ZAD qui a pas duré très longtemps mais qui était très intense et très sympathique, et la ZAD là-bas de Esch en Refaille, qui est un camping qui a été occupé, et bah, vous allez avoir un petit mot d'explication, et on espère avoir les copains et les copines qui nous le feront en direct très bientôt. Et roulement de tambour, une nouvelle ZAD est née. La Zablière a fait des émules pour notre plus grand bonheur. voici la déclaration qui nous a été communiquée. Amis, pour prolonger ce 1er mai festif et combatif, rejoignez-nous à la ZAT là-bas. Nous luttons contre le projet d'urbanisation du village d'Esch en Refaille, dans le Namurois. Beaucoup de moyens légaux ont été tentés pour l'éviter. Lettre aux élus, collectif Sauvons Esch Rural, participation aux réunions avec la commune, recensement des espèces. Et nous n'avons pu que constater l'inaction du bourgmestre. Nous avons décidé d'occuper cet ancien camping avant que les abattages d'arbres dans une légalité floue finissent de détruire cette zone d'intérêt biologique. Cette journée n'a pas été choisie par hasard. Nous comptons bien pérenniser une des prises de territoire de la journée. Du bois de la Cambre au carré de Moscou, de la place de Brouquer à la place Saint-Lambert, des commerces ouverts au théâtre de tout le pays, de Port-de-Halle au parc du Cinquantenaire, les rues sont à nous et les bois le resteront. Là-bas, la nature a repris ses droits. Les berges du lac accueilleront nos rires et débats. Les caravanes et cabanes n'attendent que vous. Un privé a acheté l'ancien camping de là-bas pour créer 235 logements, dont une part d'immeubles à appartements dans un village de 549 logements entourés de champs. Durant 5 à 10 ans, ils bétonneront avec fracas ces 17 hectares de terrain boisé, marécages, zones humides et taillis. Ils augmenteront donc la population du village et les habitants n'ont pas vraiment été concertés durant cette période de Covid. Le bourgmestre a choisi de réaliser une étude d'incidence écologique en hiver, durant laquelle, évidemment, on recense beaucoup moins d'espèces. Et une étude a été réalisée sur l'incidence de la mobilité, mais en plein confinement. Pourtant, nous avons recensé des dizaines d'espèces protégées. Les routes sont également étroites et déjà saturées. De plus, cette zone est un milieu de passage entre deux terres protégées, dont une Natura 2000. La bétonisation de cette aire humide provoquera également des coulées boueuses sur le champ adjacent. L'urbanisation dense en milieu rural est un affront aux riverains, ayant choisi de vivre dans un milieu paisible à l'échelle humaine. Toutes les tentatives des habitantes et habitants pour faire de ce terrain un lieu communal n'ont pas été prises en compte. Là-bas, le printemps ne sera pas annulé. Avec ou sans leur accord, nous ferons de ce lieu un espace de partage des savoirs et de rencontres. Alors que nous sommes dans un monde de plus en plus bétonné au mètre carré, où la biodiversité disparaît à un rythme élevé et inédit, 27% des espèces mondiales et 66% de leur habitat sont en voie de disparition. Les politiciens prennent des décisions destructrices pour le vivant. De plus, nous nous trouvons dans une situation sanitaire où les mesures liberticides sont devenues la norme et où la crise sociale et économique croît de semaine en semaine. Cette occupation est un moyen de répondre à cette destruction permanente du vivant. Nous voulons nous réapproprier nos vies en commençant par se réapproprier les questions fondamentales du savoir et des communs. Nous voulons voir apparaître de nouvelles initiatives et créer des espaces de partage entre voisins, amis à travers le pays. Rejoignez-nous pour habiter ce territoire. Alors dans un communiqué du 5 mai, on peut lire « Mauvaise nouvelle, le huissier est passé hier soir, donc c'est-à-dire le 4 mai, nous laissant jusqu'à 14h aujourd'hui pour partir. Nous n'avons pu communiquer plus tôt suite aux aléas du terrain. Riga, le propriétaire, a fait une demande en référé pour que la police procède à une expulsion en urgence. L'huissier nous demande de quitter la zone avant 14h. Ceux qui restent risquent une amende de 250 par jour et par personne. Encore une fois, les intérêts marchands passent avant la vie. Nous rappelons que nous souhaitons faire de cette zone un terrain communal. Cela doit paraître vraiment effrayant, un lieu de vie commun à Esch pour que les gouvernants s'agitent aussi vite. Merci aux riverains pour leur soutien. Nous communiquerons sur la suite. » Et donc on a appris un peu plus tard que la justice a utilisé la jurisprudence de l'expulsion de la ZAD de Arlon pour pouvoir effectuer cette expulsion express. On a également appris que deux des occupants étaient restés sur les toits des caravanes pour opposer une résistance. La ZAD là-bas n'existe plus, mais d'autres ZAD existeront très certainement. C'est une question de nécessité. Et comme il se disait, et il se dit toujours, de Madrid à Barcelone, de Berlin à Paris, de Rome à Milan, une expulsion, mille occupations. Et je vous laisse avec un extrait de Radio Cosmos, et Radio Cosmos, extrait du film Camping Cosmos. C'était même presque une idée qu'on avait de faire une radio, Radio Camping, sur la ZAD des Jean Refaille, mais ce n'est que partie remise. Notre ami le facteur qui va chanter la petite gaïole. Elle me l'avait tout dit, promis. une belle petite gaïole, une belle petite gaïole, oh, elle me l'avait tout dit promis, une belle petite gaïole pour mettre une canari. Radio Cosmos, Radio à la cloche de bois. Vous êtes en direct sur les trois radios à la fois. Et donc, juste pour faire un petit mot sur la ZAD de, qui a été expulsée. Bon, il y a des propos duquel on peut discuter ensemble, notamment l'idée du terrain communal. Bien évidemment, de mon point de vue, un terrain communal n'est jamais autonome puisqu'il est soumis à l'autorité communale. Et du coup, voilà, c'est un truc qu'il faut, à mon avis, à un moment donné, se débarrasser pour être vraiment autonome. C'est ne pas dépendre d'aucune commune, quelle qu'elle soit, et d'être vraiment autonome et que de partir de la base des nécessités des gens, d'occuper et de s'organiser entre voisins et voisines pour vivre dans un lieu, décider de où on fera la plaine de jeu, de où on fera des chemins, de où on ira chercher l'eau, ensemble et en dehors des autorités communales, quelles qu'elles soient. Et on va s'écouter un petit morceau de Camera Silence. Camera Silence, qui est un groupe punk de Bordeaux des années 80, mais qui a pas mal squatté en mode assez trash dans ses débuts. Et on s'écoute justement le morceau Squat de Camera Silence. Squatter, l'eau dans l'ennui, la mer l'infini. coup. Donc Matteo, tu fais un mémoire. Ouais. Si j'ai bien compris, sur le squat, le rapport au travail et au temps et à la solidarité, on pourrait dire, et le tout avec des questions politiques et éthiques. Et moi, j'aimerais te demander, toi-même, tu squattes, pourquoi ? Ouf. Eh ben, je vais faire le lien avec mon mémoire, justement, mais je pense que mon mémoire m'a permis de me poser des questions sur ce que moi, j'avais envie dans ma vie et sur comment j'avais envie de la vivre. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais envie d'être le plus libre et le plus autonome et le plus indépendant ou non dépendant. C'est encore mieux, je trouve. Et donc, ça m'a amené à cette question de... Ben en fait, comment je fais pour... Enfin, la dépendance dans notre société est très liée à l'argent et donc au travail. Parce qu'en fait, c'est avec l'argent qu'on subvient à ses besoins. Et donc, ça m'a permis de me poser plein de questions sur quels sont mes besoins... et comment subvenir à ses besoins. Et donc j'en suis venu à, au squat, forcément, parce que pour moi, je pourrais subvenir à mes besoins d'autres manières, donc en vivant à la campagne, en étant dans une petite communauté, en produisant ma nourriture, mes vêtements, mes machins. Sauf que là, je suis jeune, que je pense que le militantisme a une place très importante dans ma vie, parce que j'ai encore l'énergie et l'envie de changer la société dans laquelle on vit et ce qui, moi, me convient pas avec mes valeurs. Mmh. Et donc, je suis un peu dans ce dilemme de, soit je m'exclus de cette société et je reconstruis une mini-société comme moi je l'entends, soit j'essaye encore de la changer. Et donc là, je suis encore dans cette envie de la changer. Et comment est-ce que je peux être en accord, moi, avec mes valeurs et être libre et indépendant dans cette société? Et donc, en fait, la réponse que j'ai trouvée, c'est le squat. Et c'est pour ça que je squatte, c'est parce que je pense que c'est la manière la plus éthique et la plus cohérente avec mes valeurs de vivre pour le moment, c'est-à-dire vivre, comme on le disait là tantôt, un peu sur les déchets de la société, dans le sens où y a de la spéculation immobilière, y a plein de gens qui n'arrivent pas à se loger, et donc il y a plein de bâtiments vacants, et donc moi je prends quelque chose qui ne sert à personne, et donc je squatte, et je fais de la récup aussi, et j'essaye de réduire le plus possible mes dépenses, que pour ne pas être dépendant d'un travail. Là je finis mes études, et dans mes études, je sais pas quelle durée ça doit faire, mais dans mes études on m'a beaucoup parlé, alors que c'est des études très, très alternatives, très... on parle beaucoup d'émancipation et de tout ça. Et on m'a quand même beaucoup parlé de quelle carrière t'as envie de faire, ça va être quoi ton entrée dans le monde du travail. Et en fait, moi, je vois pas d'entrée dans le monde du travail. J'ai envie de faire ce que j'aime. Et si j'arrive à en tirer de quoi vivre, tant mieux. Mais si pas, je me débrouillerai, entre autres grâce au squat, grâce à la récup. Et j'ai un peu perdu le fil, mais... Mais voilà, c'est cette idée-là d'être le plus libre et le plus indépendant possible. Et c'est pour ça que je squatte. En plus de cette envie de changer les choses et de faire valoir le droit au logement qui, comme tu le disais, est le droit le plus fondamental pour pouvoir se sentir bien, en fait. Mmh. Et avoir un toit au-dessus de sa tête, ça me paraît essentiel pour pouvoir faire d'autres choses. Et donc voilà, moi, mon toit au-dessus de la tête, je me le procure gratuitement, ou presque. Et je me sers de cette gratuité pour faire d'autres choses. Et non, je me tourne pas les pouces, non, je passe ma journée à regarder des vidéos sur Facebook. Je passe mes journées à... Bon, là, je finis mes études, mais dans l'idéal, à me rendre utile, à faire des choses, à faire des activités, de la culture, de la politique au sens large, et à m'investir pour rendre le monde meilleur. Est-ce que parfois tu as peur, donc tu dis que ça te rend assez libre, mm-hmm. Est-ce que parfois tu as peur de cette liberté, et est-ce que tu peux, par exemple, parler d'un moment où tu as senti que tu avais peur, s'il y en a eu? Ben, c'est quelque chose d'assez nouveau pour moi. Et en fait, non, je dis c'est quelque chose d'assez nouveau. Ça va être quelque chose d'assez nouveau parce que là, je suis encore dans mes études et donc je suis encore dans ce chemin tout tracé. Et je vis ce moment de... J'en parlais encore il n'y a pas longtemps, mais dans 2 mois, je finis 6 ans d'études. Comme toi, j'ai voyagé pendant 1 an avant et je rêve de voyager. Et donc, ça fait 6 ans que je m'auto-flagelle pour finir ces études parce que ma maman m'a toujours dit qu'il faut faire des études. Et même moi, je sais que c'est bien dans la société dans laquelle on vit d'avoir une sécurité, d'avoir un diplôme. Et en plus, c'est quelque chose que j'ai toujours adoré. Enfin, genre, mes études, je les ai vraiment bien aimées. Mm-hmm. Mais donc, j'attends ce moment depuis 6 ans. Et en fait, récemment, j'ai commencé à penser, en fait, t'attends ce moment, genre, ça va être la libération, le truc génial. Mais qu'est-ce que tu vas en faire? Qu'est-ce que ça va être quoi, mes projets? Si j'ai pas de carrière, si j'ai pas de job, si j'ai pas de truc qui met du sens parce que je suis obligé de l'avoir pour gagner ma vie, ça va être quoi qui va donner du sens à ma vie? Ça va être quoi? Je me définis toujours comme quelqu'un de très changeant. J'adore le changement. Donc c'est pour ça aussi qu'une carrière, ça m'irait pas comme... Comme avoir une femme ou un homme d'ailleurs dans ma vie pour toute ma vie, ça m'irait pas parce que je suis quelqu'un qui a besoin de changement. Mais du coup, ça me fait peur aussi, comme tu dis, parce que ça me... Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qu'est-ce qui va donner du sens à ma vie? Est-ce que si je change tout le temps, je vais pas me sentir chaque fois recommencer ma vie et donc ne jamais finir quelque chose? Et donc ouais, c'est un gros questionnement pour moi, cette liberté. Qu'est-ce que je vais en faire, en fait, de cette liberté? Ok. Cool, merci. Avec plaisir. Bon, on arrive à la fin de la 8e épisode à la cloche de bois. Bon, on est presque à la fin. Et on vous salue, mais on veut aussi donner encore quelques infos. Donc, pour les prochaines émissions à la cloche de bois, vous êtes tous bienvenus de... D'abord, peut-être consulter le blog qu'on vient de lancer, c'est alaclochedebois.noblogs.org. Et sur ce blog, vous avez trouvé aussi l'adresse email à laquelle vous pouvez nous envoyer des messages avec des nouvelles dans les squats, des occupations, même comme locataire dans le logement donc tu vis. Ça peut parler d'un peu de plein de choses qui se passent où vous vivez. Donc, tu ne vas pas seulement parler des expulsions ou d'autres choses, ça peut être aussi des bonnes nouvelles. Voilà. Donc, on peut juste dire le mail, c'est alaclochedebois@riseup.net. Oui, tout à fait. Et donc, cette émission sera rediffusée ce vendredi soir, le 14 mai, à 21h de nouveau sur Radio Air Libre. Mais cette fois-ci, pour la prochaine rediffusion, allez, prochaine émission sera aussi diffusée à Radio Campus, mais ça ne va pas être la même qu'aujourd'hui. Donc, on va faire un direct sur Radio Campus le mardi le 18 mai à 10h, où on va avoir des invités en direct sur place avec un sujet encore en surprise. Mais alors que le jabba de ce soir sera rediffusé à Radio Panique, quand même comme il est ce soir, le mercredi 26 mai à 19h. On fait ça parce qu'à la cloche de bois, c'est une émission qui passe dans 3 radios, donc Radio Air Libre, Radio Panique et Radio Campus. Et on sera invité aussi bientôt en juin chez Radio Panique pour faire un direct là-bas. Youpi! Et on fait plein de bisous et à bientôt. Bisous, salut. Ciao. Hasta luego. Ah ah ah. La la la la la. La la la la la. Ah, la cloche. La cloche de bois. L'émission à la cloche de bois. Intersquat, militante, bruxelloise. Oui, oui. La seule émission militante intersquat bruxelloise de la bande FM. oh, oh.